France Inter, franceinter.com. Tous les 10 ans, ou presque, l'histoire semble bégayer à Madagascar. Des manifestations pacifiques, parfois violemment réprimées, finissent par avoir raison du président en place. Mais celui-ci résiste et pendant une période plus ou moins longue, deux pouvoirs et donc deux dirigeants revendiquent également leur légitimité. C'est le cas aujourd'hui dans l'île Rouge, comme ça l'a été en 2002, 1991 et 1975. Mais, et c'est ce que M. X a commencé à développer la semaine dernière, l'ancien colonisateur n'a pas toujours été un spectateur neutre de ces crises politiques à répétition. La France demeure en effet le principal bailleur de Madagascar et il y réside toujours une importante communauté française. Et même lorsque l'île a connu un raidissement idéologique et collectiviste, les ponts n'ont jamais été rompus, bien que l'ancienne puissance colonisatrice ait servi de repoussoir et parfois cristallisé les haines et les ressentiments. En 1991, alors que l'amiral rouge, c'est-à-dire le président Ratsirak, vit une lune de miel avec la France de Mitterrand après avoir longtemps flirté avec la Corée du Nord de Kim Il-sung, les Malgaches expriment leur mécontentement. La socialisation forcée de l'économie a en effet produit des effets désastreux et même affamé une île qui était autrefois autosuffisante sur le plan alimentaire. Il est d'autre part reproché à Didier Ratsirak ses méthodes de gouvernement autoritaire. Jour après jour, les manifestants défilent dans la capitale, Antananarive, pour demander la démission du président. Mais en août, alors qu'un défilé monstre marche vers le palais présidentiel, la garde, entraînée par des gendarmes français, ouvre le feu. Il y a des dizaines de morts. L'opposition annonce la formation d'un gouvernement provisoire, mais Ratsirak, reclus dans l'un de ses palais, n'entend pas se retirer. Quant à la France, elle tergiverse et essaie surtout de conserver ses positions sans trop donner l'impression de s'ingérer dans les affaires intérieures de Madagascar. La suite avec M. X. Na batilage, na nettoyage, na repassage, na bricolage, tu veux tirer à corps. Tu galilais à vous bazaré, manadidu, de ma haze à toi riare, ni d'un jiquel, de vous d'agneau télé, de sa sa vilain si flié, de moulitou et d'un journée. Demoli tu in dan jume Ma danza ke Tima mi kula tima lan tim taraina Ma danza ke Tima mi kula tima lan tim taraina Mi andri azi ni aguna nya Ma ruma dini ke Timi chusa tima gaza ke Un pays peut-il être dirigé par deux présidents? À l'évidence, ça semble impossible. Et pourtant, c'est la situation que va connaître Madagascar pendant un an et demi. D'un côté, il y a donc Ratsirak, réélu en 1989, qui campe dans l'un de ses palais. Et de l'autre, il y a un gouvernement provisoire présidé par Albert Zaf. Je rappelle, quand même pour nous dire, que nous essayons de prononcer tous les noms propres à la malgache. On continue. C'est un gouvernement donc issu du vaste mouvement d'opposition qui a organisé toutes ces manifestations pacifiques. Dans la dernière, violemment réprimée par la guerre présidentielle. Sur ordre personnel de Ratsirak. Oui, ça a été prouvé grâce à un enregistrement. Ratsirak, accusé d'avoir fait couler le sang, se trouve donc en difficulté. Mais il résiste. Il estime avoir le droit pour lui. Cependant, peu à peu, lui et ses partisans cèdent du terrain à mesure que la situation sur l'île se délite. Il y a d'abord la crise économique qui a appauvri la société malgache. Mais on observe aussi que certaines régions se déclarent autonomes. Ça ne peut plus durer. Et la France alors? À Paris, on ne sait pas sur quel pied danser. Malgré le massacre du mois d'août 1991, la France n'a pas condamné Ratsirak. Mais comme les chances du président malgache de se maintenir au pouvoir deviennent de plus en plus minces, on voudrait au moins convaincre l'amiral rouge de se retirer en douceur. Et c'est ce que tente notre attaché militaire à Antananarivo, un transal est même positionné à La Réunion, prêt à décoller à tout moment pour évacuer Ratsirak et sa famille. Mais le président va-t-il accepter? C'est bien la question. Or, l'orgueilleux Ratsirak s'entête, tandis que son opposition marque des points. En août 1992, elle fait d'abord adopter par référendum une nouvelle constitution qui renvoie au premier temps de l'indépendance lorsque le régime était une classique démocratie parlementaire. Puis, une élection présidentielle anticipée consacre la défaite de Didier Ratsirak et la victoire de son principal adversaire, Albert Zaf. Cette fois, Ratsirak est acculé. Certes, mais il résistera encore longtemps et ce n'est qu'en 1995 qu'il choisira de s'exiler à Paris. Mais c'est un retrait provisoire, car il préparera aussitôt son retour avec l'aide de quelques amis français, ceux que l'on appellera ses sorciers blancs. Des sorciers? Je vous expliquerai. En attendant, Zaf, nouveau président, gouverne ou tente de gouverner. Que voulez-vous dire là? Après tant d'années de régime autoritaire, il n'est guère facile de s'imposer. Et bientôt, Zaf se heurte à de nombreuses rivalités qui vont tendre à paralyser son action. Quoi qu'il en soit, à Paris, on ne peut plus avoir de doute. C'est Zaf qui a gagné. Donc, après avoir longtemps hésité, on abandonne Ratsirak. C'est à peu près ça, oui. Et c'est d'autant plus évident qu'en France, à la faveur de la seconde cohabitation, Jacques Foccart a récupéré un peu de son ancienne influence. Et Foccart déteste Ratsirak. Une vieille haine bien recuite, depuis que l'amiral rouge a bafoué autrefois ses amis du réseau France-Africain. Par conséquent, Ratsirak est lâché et il finit par venir à Paris, avez-vous dit. Ce qui montre, entre parenthèses, c'est qu'il n'est pas tout à fait fâché avec notre pays. Et puis ça joue aussi dans l'autre sens, bien sûr. En tout cas, je suis sûr que malgré son départ, Ratsirak conserve de nombreuses antennes sur l'île et qui se tient étroitement informé. Parce qu'il n'a pas renoncé, alors. Étonné, même si à l'occasion des derniers événements qui ont vu émerger un nouveau pouvoir en Antananarivo, Didier Ratsirak n'est pas intervenu. Là, vous parlez des événements récents, là. Oui. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, qu'il n'ait pas tiré quelques ficelles depuis son exil parisien. On en reparlera peut-être. En attendant, voyons de plus près cette présidence Zaf. Ce dernier a donc fini par bénéficier de l'appui de la France, mais Paris a mis des conditions. Ouais, lesquelles alors? Vous pensez bien que ces longs mois d'incertitude politique n'ont rien fait pour améliorer la situation économique catastrophique de l'île. Alors, en contrepartie d'une aide importante, les autorités françaises exigent que Zaf assainisse les finances de Madagascar. Et ça passe par la signature d'accords avec la Banque mondiale et le FMI. Ouais, je l'imagine par l'instauration de quelques mesures drastiques. Bien entendu. Mais Zaf n'a pas les mains libres. Ses rivaux ne cessent de le harceler et de paralyser son action. Tant et si bien que le déficit budgétaire atteint des sommets. Et que dans ces conditions, Paris hésite à distribuer son aide. C'est presque inévitable. Et ça signifie clairement que nous condamnons Zaf à l'échec en lui refusant les 100 millions de dollars qu'il réclame de toute urgence. Alors que déjà certains à Paris imaginent jouer la carte Ratsirak. Le retour de l'amiral rouge. Parce qu'en France aussi, les choses bougent. Foccart, usé et malade, va bientôt mourir. Et à l'Élysée, où règne maintenant Jacques Chirac, l'ancien président malgache compte quelques supporters. En outre, après la dissolution de la Chambre française, on entrera dans une nouvelle cohabitation. Oui, avec l'arrivée à Matignon de Lionel Jospin, mais oui, seulement en 1997. Bon, alors avant de voir comment Ratsirac et ses sorciers blancs préparent son retour, observons comment les événements évoluent à Madagascar même. Zaf se débat dans d'innombrables difficultés. Et puis disons que cet honnête homme n'a pas été préparé à devenir le dirigeant politique expérimenté que réclame une situation aussi désespérée. Mais attendez, qu'a-t-il fait lui là, avant d'être élu à la présidence de la République malgache? Ah ben il était chirurgien. Ah oui. En tout cas, malgré toute sa bonne volonté, Zaf va de déboire en déboire tandis que son assise populaire se rétrécit. Alors ça commence par le dépôt d'une motion de défiance contre le Premier ministre. Motion qui est votée par les deux tiers des députés malgaches. Et bientôt, c'est Zaf lui-même qui est sur la sellette. Fin 1996, sa destitution est prononcée et l'intérim est exercé par le président de la Haute Cour constitutionnelle. Ouais, c'est allé très vite. Hein. Donc on attend une nouvelle élection. Et dès lors, Ratsirac peut montrer ouvertement le bout de son nez. Ouais. Spectaculaire résurrection, hein, car Ratsirac est quand même le président qui a ordonné à sa garde de tirer sur la foule. Mais les peuples sont parfois étrangement oublieux. Alors, c'est le moment de parler de l'entourage de Ratsirac et de tous ces hommes qui ont travaillé à son retour. Ah oui, alors, c'est vos sorciers blancs. Cette appellation imagée dit bien ce qu'elle veut dire. Ces hommes ont agi dans l'ombre. Oui, d'accord, mais enfin, qui sont-ils là? C'est un curieux mélange, conseiller ou manipulateur, comme vous voudrez. On trouve par exemple dans ce petit groupe deux polytechniciens français qui ont élaboré à l'intention de Ratsirac un programme politique franchement orienté à droite. Mais il y a aussi des gens qui sont proches des services de renseignement. Et puis quelques personnages issus du monde de la communication politique. Ceux-là, bien sûr, sont chargés d'améliorer l'image de Ratsirac. Il y en a bien besoin. Hein. En effet, car personne n'a oublié le massacre de 1991. Mais quel est le mobile là, de tous ces hommes qui ont adopté la cause de l'amiral rouge? Vous pensez bien qu'ils ne sont pas désintéressés. Et ce n'est certainement pas par hasard que certains d'entre eux sont très liés à un important groupe économique français qui a de nombreuses activités en Afrique. Bolloré. Pour ne pas le citer, oui. Ainsi, même si je n'en ai pas la preuve, je suis sûr que Michel Roussin, ex-membre des services secrets, puis collaborateur de Jacques Chirac à la mairie de Paris, avant d'être nommé ministre de la Coopération et d'occuper ensuite un poste directorial chez Bolloré, n'a pas dû être étranger à cette affaire. Alors, c'est un sorcier blanc lui aussi? Je n'ai pas dit ça. J'observe que son futur employeur, Bolloré, a pu obtenir le monopole de la distribution des cigarettes à Madagascar grâce à ses liens avec Ratsirac. À partir de là, vous pouvez conclure ce que vous voulez. Mais il est certain que le groupe Bolloré a dû suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation politique à Madagascar. Enfin, je n'en dirai pas plus. Au reste, il ne faut pas penser qu'en France, les seuls sorciers blancs aient joué un rôle. C'est-à-dire, là. Il existait parallèlement un lobby favorable aux adversaires de Ratsirac. Et ces gens, eux aussi, n'ont pas ménagé leurs efforts pour empêcher le retour de l'amiral rouge. Enfin, en vain. Rendez-vous avec X. La lettre de l'océan Indien, une publication hebdomadaire dirigée par Antoine Glaser, dresse la liste des amis français de Ratsirac dans un numéro de février 1997. Je cite. Le président Didier Ratsirac a invité plusieurs Français à assister à la cérémonie de son investiture à la présidence. Devait ainsi prendre l'avion pour Antananarive le 6 février au soir, Alexis Beresnikov, de la firme de consultants politiques BK2F qui a assuré la promotion de Ratzirak à Paris, Gérard Écorcheville, également consultant politique et ex-délégué national du Rassemblement pour la République, RPR, parti gouvernemental français, qui s'est occupé du matériel électoral et a aidé au suivi des opérations de décompte de voix, de même que le dentiste personnel de Ratzirak quand il était à Paris, Jean-Marc Aubert. Deux autres Français, faisant partie du groupe des polytechniciens ayant fait du lobbying pour Ratzirak, devaient être du voyage. Il s'agit d'Alain Josselme, qui a aussi fait l'école des ponts et chaussées à Paris et l'université d'Harvard aux États-Unis, et de Jean-François Lacombe, lequel avait ouvert le site officiel du candidat Ratzirak sur Internet. Lacombe a aussi rédigé un projet de programme dont s'est inspiré Ratzirak durant sa campagne électorale pour vanter les mérites d'une république humaniste et écologique. Devrait aussi être de la fête un autre intermédiaire français de Ratzirak, agissant séparément de ceux répertoriés ci-dessus, Philippe Verdon, spécialiste en aviation. Verdon est marié à une réunionnaise et propriétaire d'une petite compagnie d'hydravions à Madagascar. Il avait été en 1995 le mandataire de Jacques Chirac pour le vote des Français résidant sur l'île à l'occasion du scrutin présidentiel en France. Alors, qui sont ces Français anti-Ratzirak ? Et donc pro-ZAF. Ouais. Eh bien, assez curieusement, on les trouve dans les mêmes milieux politiques. Alors, donc, plutôt à droite, oui. Car à gauche, on a tendance à se désintéresser de la question malgache. Et puis, fin 1996, Jospin n'est pas encore arrivé à Matignon. Donc, la gauche ne dispose d'aucun levier pour agir sur l'île. Non, les opposants français à Ratzirak sont essentiellement des compagnons de Focard. Ah, qui restent fidèles à leur ancien gourou. Là. Et qui continuent à disposer de relais en France-Afrique. Les fameux réseaux Focard. Qui existent toujours, hein, même s'ils ont perdu en influence. Mais le conseiller pour les affaires africaines de Jacques Chirac est Fernand Vibeau, un diplomate qui a toujours été un proche de Focard. Ce qui explique que l'ambassade de France à Antananarivo est dans son ensemble plutôt hostile à Ratzirak. Et puis, il y a des personnalités comme l'ancien chirurgien cardiaque Christian Cabrol qui affichent leur soutien pour ZAF. Ah bah, solidarité entre confrères. Bon, on peut le penser. Il y a donc, alors, si je comprends bien, il y a donc confrontation entre deux lobbies au sein même de la droite. Mais les premiers, ceux qui soutiennent Ratzirak, ont incontestablement une longueur d'avance. Parce qu'ils ont misé sur une élection présidentielle anticipée et qu'ils ont donc déjà mis au point la stratégie électorale de leur poulain. Et qui est laquelle alors ? Oh, c'est très simple. Elle consiste à proclamer que le docteur Zaf a ruiné son pays et qu'en refusant de se plier aux recommandations des instances financières internationales, il a encore accru ce désastre. Et de souligner, à contrario, que Ratzirak, lui, a été le bon élève du FMI. Après, toutefois, qu'il a mis fin à sa politique collectiviste. Certes, mais ses arguments font mouche. D'autant que les Malgaches, après tant d'années de crise et de misère, ne savent plus à quel saint se vouer. Et c'est ainsi qu'au premier tour des élections présidentielles de la fin 1996, l'amiral Rouge rafle plus du tiers des voix. Et au deuxième tour ? Il est élu. Et l'année suivante, son parti, l'AREMA, remporte aussi l'élection législative. Ouais, triomphe total, donc. Et rabibochage immédiat de Madagascar avec son ancienne colonie. On oublie tout simplement les griefs antérieurs et on signe des accords de développement. En même temps, et ça prouve que les sorciers blancs ne se sont pas démenés pour rien, le processus de privatisation des entreprises malgaches, encore nationalisées, se fait au profit quasi exclusif de sociétés françaises. Et les banques, par exemple, reviennent toutes dans le giron français. Ah oui, bah quoi, c'est du néocolonialisme hein ? Non, en tout cas, ça y ressemble. Cependant, encore une fois, ça ne va pas tarder à se gâter. Il faut d'abord souligner que l'île Rouge connaît une succession de trois cyclones dévastateurs. Et puis, il y a l'état de santé du président qui se dégrade. Diabétique, il perd progressivement la vue. Mais le principal danger vient de l'opposition intérieure. C'est encore ZAF ? Non, le chirurgien a passé la main. C'est un nouveau venu qui apparaît. Un certain Marc Ravalouman. Un presque inconnu qui, il faut le noter, est issu du sang du pays. Ah oui, c'est donc, comment on les appelle déjà, un mérina. Alors que jusque-là, tous les dirigeants du pays ont été des côtiers, oui. Mais je vous ai déjà parlé de ce problème ethnique, inutile d'y revenir. Alors, je sais que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Ravalumane. Hein. Mais un petit mot quand même sur ce personnage parfaitement inconnu dans le monde politique. Ravalumane, c'est un riche entrepreneur qui a fait fortune dans le yaourt en profitant largement des facilités de prêt offertes par la Banque mondiale. Et c'est aussi l'un des dirigeants de l'église protestante malgache. Oui, ça compte dans ce pays très religieux hein, où les églises sont influentes. Tout à fait. Hein. Et puis tenez, pour encore mieux cerner le personnage, on l'a souvent comparé à Berlusconi. Même méthode, même dent blanche et même appétit pour le pouvoir et les médias. Pas flatteur. Et il surgit comme ça tout d'un coup ? En effet, fin 2001, on doit procéder à de nouvelles élections présidentielles. Et Marc Ravalumane se présente. Ah, il a quand même préparé son coup. Bien sûr. Il a commencé par conquérir la mairie d'Antananarivo. Ça, c'est une solide base de départ. Hein. Dont il va user avec beaucoup d'habileté. Il faut aussi dire que malgré les promesses de Ratsirak, l'île n'est toujours pas sortie de la misère, même si elle a renoué avec la croissance. Mais une croissance inégalitaire, qui profite surtout aux classes les plus aisées. Alors, et face au vieux Ratsirak, Ravalumane là, se présente comme un homme neuf. Et entreprenant, oui, parce qu'il symbolise lui-même la réussite sociale. Et la Bible à la main, il met sa fortune au service de son ambition politique. Il dépense 1 million d'euros lors de sa campagne. Et ça marche. Dès le premier tour, contrairement à la plupart des pronostics, il affirme qu'il est arrivé en tête et qu'il a même remporté la majorité des suffrages. Il serait donc élu, alors. Ah ben c'est ce qu'il prétend. Attendez, on ne dispose pas de chiffres précis ? Non, parce que l'un et l'autre camp s'accusent d'avoir triché. Ce qui n'est guère étonnant, parce que dans le passé, nombre d'élections n'ont pas été vraiment sincères. Ouais. Ratsirak n'accepte donc pas son éventuelle défaite. Et une nouvelle fois, on assiste dans l'île à la coexistence belliqueuse de deux pouvoirs. Et deux présidents. Deux gouvernements et deux sièges du pouvoir. Ravalumane s'est installé dans sa ville, Antananarivo, tandis que Ratsirak règne dans l'un de ses fiefs traditionnels, Tamatave, une ville de la côte est. Et cette situation, qui reproduit à l'identique celle qui a prévalu 10 ans plus tôt, va durer plusieurs mois. Mais c'est une révolution de velours à laquelle on assiste. Les partisans de Ravalumane manifestent régulièrement, tandis que ceux de Ratsirak barrent les routes. Mais il n'y a pas ou peu de violence. Et c'est progressivement le premier qui gagne la partie. Oui, hein. Oui. Et en mai 2002, Ravalumane est officiellement investi président. Ratsirak s'est incliné, là. Ah, pas du tout. Mais il a visiblement perdu. Et d'ailleurs, il finira par s'exiler un peu plus tard, alors que Ravalumane est peu à peu reconnu par les gouvernements étrangers. Les États-Unis étant parmi les premiers. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'il guigne notre ancienne base de Diego Suarez. Et la France, alors ? Elle hésite, comme d'habitude. Et elle essaie d'arbitrer entre les deux concurrents, mais sans succès. Pourtant, elle a beaucoup à perdre. Ravalumane est entouré d'une nébuleuse de conseillers sud-africains, allemands ou américains, qui rêvent d'évincer les entreprises françaises. Mais je reviens à Ratsirak. Certes, il a perdu et finira par abandonner son île. Cependant, il n'a pas dit son dernier mot. Et lui ou ses amis vont même se lancer dans une aventure assez abracadabrantesque, pour reprendre l'adjectif favori de Jacques Chirac. Mais alors, quand vous parlez de ces amis, là, ce sont toujours ces fameux sorciers blancs. Exactement. Et cette aventure-là, de quoi vous voulez parler ? D'une tentative de reprendre le pouvoir grâce à des mercenaires. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un article de la revue Politique Internationale paru au printemps 2002, Philippe Lémary propose une analyse assez pointue de la réussite de Marc Ravalumane. Extrait. L'essentiel du programme de ce Berlusconi tropical, qui possède lui aussi une station de télévision et plusieurs radios, tient dans le parallèle qu'il souhaite établir entre sa propre réussite et ses deux premières années de gestion d'une capitale qui avait été longtemps laissée à elle-même. Le tout doit, selon lui, préfigurer ce qui peut arriver de mieux au pays, un pays destiné à être géré à l'avenir, selon les méthodes de management qui ont si bien réussi au petit laitier de Tana. Mais l'habileté avec laquelle Marc Ravalumann a su ensuite progressivement vider de son contenu le régime du président Ratsirak, apparut à la mi-mars, en dépit de la résistance du chef de l'État et des gouverneurs des provinces, rendre sa prise de pouvoir irrésistible. Comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le leader malgache était convaincu d'avoir gagné une première fois face à un pouvoir roué. Faute de garanties suffisantes sur la neutralité des institutions, il avait préféré ne pas risquer une seconde manche et avait tenté le pari d'une neutralisation naturelle de Didier Ratsirak en contribuant à le priver progressivement de la plupart de ses prérogatives. Ce patient siphonnage, assorti d'une mobilisation populaire sans précédent, restera l'un des actes fondateurs du nouveau régime. Qui est à l'origine là, de cette histoire de mercenaires ? Ben, les amis français de Didier Ratsirak. Ouais. Par conséquent, c'est une initiative qui a reçu l'aval du président déchu. Hein. Ben, le contraire serait étonnant. Alors, racontez-moi. Ben, je voudrais d'abord vous faire observer qu'on va trouver dans cette affaire beaucoup de types qui ont fricoté avec nos services secrets. Ouais. Et parmi les sorciers blancs, il y en avait aussi, m'avez-vous dit. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous n'excluez pas que le coup aurait pu être monté directement par les services ? Ben, on est bien obligé d'y penser. Même si ces gars n'ont pas reçu un feu vert explicite des chefs de la piscine. Ouais, la piscine, c'est-à-dire la DGSE. On peut imaginer qu'on n'a rien fait pour les empêcher de se lancer dans cette aventure. Parce que ce nouveau président, il faut le dire tout de suite, là, Ravalumann n'était guère favorable à la France. Hein. C'est une bonne raison, non ? Songez que ce président fera même des misères au groupe Bolloré et à Total en leur faisant passer sous le nez d'importants contrats. D'accord. Alors, Ravalumann n'est pas gentil, mais en 2002, il n'a pas encore donné de preuves directes de son animosité envers la France. C'est vrai, mais il n'est jamais inutile de prévoir. Ah oui, alors comment se présente cette affaire-là ? L'un des sorciers blancs, un polytechnicien, recrute l'homme de terrain, celui qui va être chargé de réunir le commando de mercenaires. C'est un certain Marquez de Oliveira, qui a autrefois appartenu à une unité d'élite du SDEC. Une unité action. Depuis, ce type a monté une entreprise de sécurité et a déjà travaillé comme consultant pour le président Ratsirak. C'est donc le pivot de l'opération, lui. Hein. Et à son tour, il recrute. D'abord un homme chargé de le seconder, Marc Garibaldi. Puis une dizaine de gars costauds et expérimentés. Et où les trouve-t-il, là ? Bon, certains sont d'anciens du service action de la DGSE, comme Garibaldi, qui a travaillé sous les ordres de Jeannot Lacaze et de Bob Denard, et a même encadré les milices du président congolais Sassou Nguesso. D'autres sont légionnaires. Et puis, il y a un petit noyau qui vient directement du service de sécurité du Front National, le trop fameux DPS de Bernard Courcelles. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que ces gaillards vont être généreusement payés et qu'ils demandent à recevoir une partie notable de leur solde avant même leur départ. Bah, on n'est jamais trop prudent. Hein. Et qui paye ? Ratsirak, réfugié à Tamatave, qui se considère toujours comme le président légitime de Madagascar, n'a pas dû quitter la capitale les mains vides. Mais bien sûr, ça n'est qu'une pure supposition. Et puis il y a certainement aussi des contributeurs étrangers. Et quelle doit être la mission de ce commando de mercenaires ? Officiellement, ils sont chargés d'assurer la sécurité des aéroports de Tamatave et Diego Suarez, qui sont encore sous le contrôle des forces fidèles au président Ratsirak. En réalité, d'après ce qu'on a pu apprendre plus tard, ils doivent former un bataillon de 200 hommes qui devra s'opposer aux troupes de Ravalumann, qui progressent un peu partout dans l'île. Et comment doivent-ils arriver là, à Madagascar ? Un Falcon 900 doit les emmener de l'aéroport du Bourget jusqu'à Tamatave, après une escale à Assouan. Mais les mercenaires n'arriveront jamais à Madagascar. Alors pourquoi ? Que se passe-t-il ? Alors que l'avion survole la Tanzanie, le pilote est informé qu'il lui est interdit de survoler l'espace aérien malgache. Une interdiction qui sera un peu plus tard confirmée par le cabinet du Premier ministre français qui ajoute que tout survol des dom-toms est également interdit. C'est bizarre cette injonction officielle de Paris. Je suis d'accord. Et pour que le gouvernement français se mêle de cette affaire, il a fallu qu'en haut lieu, on juge la mission de nos mercenaires très embarrassante. À Paris, qui a peur d'être compromis. Ça me semble évident. Et le Falcon 900 doit se poser en Tanzanie, d'où il redécollera ensuite pour Lyon, où les mercenaires débarqueront très discrètement, mais aussi un peu piteusement. Ouais. Alors, vous n'avez pas répondu, là. Que s'est-il passé, là ? Une fuite Une fuite, oui. Ou une trahison, comme vous voudrez. Vous me semblez bien mystérieux, là. Pas pour longtemps, je vous explique. Et nous allons retrouver à cette occasion une vieille connaissance, Gilbert le Cavalier. Hein, attendez, là. C'est un homme qui a appartenu au sac, c'est ça, hein ? C'est bien le même homme, le Cavalier, qui a été autrefois embarqué dans les affaires de l'escroc Charlie Lascorze. Du sac, lui aussi. Oui, c'était ces histoires de templiers, là, bidons. Hein. Tout à fait ça. Donc, le Cavalier, très lié au réseau Focard, a aussi pratiqué le mercenariat. Il a en particulier travaillé pour l'ex-président Zaf, à qui il a offert les services de sa propre officine de sécurité. Mais, naturellement, le retour de Didier à Tirac a ruiné ses petites combines. Ah oui, je vois. Alors, il a cherché à se venger en dénonçant le commando de mercenaires. Mais encore, aurait-il fallu qu'il ait été mis au courant de l'opération prévue ? Vous avez parfaitement raison. Mais le monde des mercenaires est un milieu relativement clos. Tout le monde connaît tout le monde. Donc, rien d'étonnant au fait qu'il aurait pu savoir. Alors à ce niveau, enfin pour ce qui concerne le Cavalier, nous pouvons émettre deux hypothèses. La première, vous l'avez vous-même évoquée, c'est la vengeance. Le Cavalier, évincé Madagascar, apprenant l'équipée prévue, s'arrange pour en informer l'entourage de Ravalomane, qui lui-même alerte Paris. Et la France, de peur d'être rendue responsable de cette opération barbouzarde, fait capoter l'aventure. Bon. Et la deuxième hypothèse, hein ? Le postulat de départ est le même. Le Cavalier bénéficie d'une fuite. Et par solidarité avec ses mercenaires qu'il connaît bien et qu'il a tenté de convaincre de ne pas partir, il s'arrange pour que leur mission échoue avant même de leur arriver à Madagascar. Mais pourquoi aurait-il agi ainsi, là ? Par solidarité, dites-vous, mais c'est contradictoire. Non, parce qu'il a peur que l'aventure ne se termine très mal pour eux. Il faut savoir que 6 mois plus tôt, une autre équipée de mercenaires français, aux Comores cette fois-ci, s'est achevée de façon tragique. Le commando, composé également d'anciens des services, a été piégé dès son débarquement et 6 hommes ont été tués. Quant aux autres, ils ont dû répondre de leurs actes devant la justice française. Alors le Cavalier aurait donc voulu leur épargner ce sort ? Pourquoi pas ? Ouais, j'ai comme des doutes, moi. Pour ne rien vous cacher, moi aussi. Alors, qu'en concluez-vous ? En réalité, je crois que la véritable magouille s'est déroulée au sein même de nos services. Des services qui savaient parfaitement ce qu'allaient faire ces mercenaires à Madagascar. Et ceci aurait peut-être même agi avec l'aval de ces services-là ? Je ne l'exclus pas, parce que j'ai entendu une curieuse rumeur. Au Bourget, l'embarquement des mercenaires dans le Falcom 900 aurait été filmé par une équipe de la DGSE. Oui, ça, c'est un effet étrange. En tout cas, si cette rumeur est avérée, ça signifie que nos services de renseignement n'ont rien fait pour s'opposer au départ des mercenaires. Oui, c'est aussi mon avis. Mais dans ce cas, pourquoi la mission de ces mercenaires aurait-elle été stoppée en plein vol ? Une fuite est toujours possible, qu'elle vienne d'un Le Cavalier ou d'un agent de la DGSE qui aurait désapprouvé cette opération pro Ratsirac et en aurait informé le Quai d'Orsay, par exemple. Au ministère des Affaires étrangères, on ne goûte guère ce genre d'exploit qui donne toujours lieu à des embrouilles à mini diplomatiques. Et cette histoire a peut-être même précipité la reconnaissance par la France du régime Ravalomane, 3 semaines seulement après le retour des mercenaires sur le sol français. Oui, alors, on donne là un gage à Ravalomane, qui a forcément appris cette mésaventure des mercenaires, là. Et à qui il fallait adresser quelques signes d'amitié. D'ailleurs, aussitôt après, notre ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, s'est empressé de se rendre à Madagascar. Oui, un signe, ça aussi. Et les mercenaires, là, que sont-ils devenus ? Ça, je n'en sais rien. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'ils n'ont été à aucun moment inquiétés par la justice française. Et dès leur débarquement à Lyon, ils ont filé, libres comme l'air. Ouais, une preuve de plus que, d'une façon ou d'une autre, les autorités françaises étaient impliquées dans cette affaire. Par conséquent, il n'était pas question de laver son linge sale ailleurs que dans le secret de nos services ou de nos cabinets ministériels. J'ajoute, et selon mes informations, si cette aventure manquée avait peut-être reçu la bénédiction des autorités françaises, elle a peut-être été aussi encouragée par d'autres États. Alors, ces contributeurs dont vous parliez, là-bas, lesquels ? Des États africains, et les meilleurs élèves de la classe france-africaine. Leur président pensait non sans raison que la façon dont Ratsirac avait été chassé du pouvoir donnait un très mauvais exemple à leurs propres ressortissants. Et ces chefs d'État n'auraient pas été fâchés de voir Ratzirak, l'un des leurs, récupérer son fauteuil présidentiel à Antananarive. Est-ce que l'amiral rouge, comme on l'appelait du temps de sa splendeur, a renoncé définitivement au pouvoir? C'est aujourd'hui un homme âgé, presque totalement aveugle. Mais je pense qu'il n'a toujours pas digéré son éviction du pouvoir. Et de temps à autre, on prétend qu'il essaie toujours de tirer quelques ficelles. Et même encore très récemment. Il y a par exemple, parmi les familiers du jeune président qui vient de renverser Ravalouman, un autre Ratzirak, le neveu du premier. Et l'oncle aurait pu se servir de son neveu? Ça ne me semble pas impossible, d'autant qu'on dit que ce jeune Roland Ratzirak pourrait bien se voir un jour confié de hautes fonctions par le nouveau président, Ange Ratzuel. La revanche de l'oncle via le neveu. Mmh. Un mot quand même, avant de nous quitter là, sur cet homme Ratzuel. Au fond, il n'a fait que reproduire, lui, le schéma de conquête du pouvoir élaboré 8 ans plus tôt par son aîné Ravalouman. C'est effectivement très troublant, d'autant qu'il a, en plus jeune, à peu près le même profil que l'homme qu'il vient de renverser. Et lui aussi a bâti son ascension sur les médias et la conquête de la mairie de la capitale. C'est exact. Oui. Alors, la France a-t-elle joué un rôle? Je vous l'ai dit d'emblée lors de ce long entretien. La France a toutes les raisons de se réjouir de la chute d'un homme qui ne l'appréciait guère et lui préférait alternativement les Américains ou les Chinois. Et même les Sud-Coréens, auxquels il voulait vendre des centaines de milliers d'hectares de bonnes terres. Alors, je vous repose la question, la France a-t-elle agi? En tout cas, je vous rassure, elle n'a pas envoyé de mercenaires cette fois-ci, non. Non, si elle est intervenue, c'est peut-être en persuadant quelques riches hommes d'affaires proches de l'ex-président Ratzirak de mettre la main à la poche pour aider Ratzuel. Et parmi eux, il y aurait pu avoir les anciens sorciers blancs de Ratzirak? Pourquoi pas? Il y avait quand même là une belle occasion de prendre sa revanche. Un dernier mot, mais je ne vois pas pourquoi je vous dis ça. Ange Ratzuel est un fervent admirateur de Nicolas Sarkozy. L'Afrique, toujours. Lundi, je participerai à la fête du livre de Becherel, le village aux 13 librairies. Et je dédicacerai, entre autres, Les Dessous de la France-Afrique, un ouvrage coédité par France Inter. À lundi donc, amis auditeurs bretons. Et aussi à lire, à écouter, à propos de l'Empire de Vincent Bolloré en Afrique, le dernier numéro du Monde diplomatique est sur le site de France Inter. L'enquête de Benoît Colomba, diffusée dans Interception il y a 15 jours. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster. Et merci à Valérie Ayestarag, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou, un peu de campagne.